Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans les mécaniques des ondes, l'émission qui raconte la radio sur fréquence protestante durant trois quarts d'heure à travers le parcours des personnes qui font vivre la radio. Et dans cet épisode, nous allons parler du moustique. Alors non, pas le moustique qui pique et qui pourrit nos étés, non. Un moustique plus sympa qui crée du son, de l'audio au service de grandes marques et aussi du podcast. Et le seul bouton que vous aurez à toucher ici ne gratte pas, non, c'est le bouton play de votre lecteur audio pour écouter notamment l'affaire des 450 tableaux, la nouvelle création de Moustique Studio dont nous parlerons d'ici dans le courant de l'émission. Mon invité est son fondateur et directeur général, il se nomme Guillaume de Rachinois. Bonjour à vous. Bonjour Eddy. Comment allez-vous ? Ça va, ça me fait bizarre d'être ici dans une radio locale. C'est beaucoup de souvenirs. Eh bien, écoutez, la transition est toute faite puisque la première question, justement, est en lien avec ce que vous venez de dire, Guillaume. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Oui. Moi, une radio associative, ça me rappelle surtout le lycée puisque on avait lancé une émission sur une radio locale qui s'appelle Boomerang. À Roubaix, dans le Nord, puisque je viens du Nord. Et c'était une émission le samedi soir de 21h à 23h. Et on avait fait ça avec deux potes du lycée. Et c'est devenu en fait une sorte d'émission où il y avait les lycées du coin qui écoutaient, parce qu'il y avait des messages qui s'envoyaient aux profs, aux gars des autres lycées. Et ça faisait un peu monter un peu la sorte de compétition. On parlait des nanas des uns et des autres. C'était très sympa. C'était très sympa. Et ça me rappelle surtout des réunions de famille que je devais courter parce que il fallait que j'aille préparer. Je faisais ça très consciencieusement. Je préparais des CD. J'avais une pile comme ça que j'allais chercher à la bibliothèque de Roubaix. Et puis on préparait l'après-midi des reportages. On enregistrait avec un radio cassette des petits bouts de micro trottoir, ne serait-ce que pour enrichir un peu l'émission du soir. Et voilà. Alors ça devait être chronophage à préparer avec les études en parallèle, non? Oui, mais à ce stade-là, quand on aime ça, on compte pas trop ses heures. C'était beaucoup de boulot. C'était beaucoup de boulot. Je pense que si on avait accordé autant de temps à bosser nos devoirs qu'à travailler l'émission, ouais, on aurait peut-être eu une moyenne un peu plus élevée. Mais bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer justement dans la radio, enfin Radio Boomerang, je pense. Est-ce que vous étiez arrivé par hasard? Est-ce que vous avez postulé? Alors moi, j'ai eu de la chance. En fait, dans tous mes métiers, j'ai eu un peu de chance. Et puis dans mes démarches, parce que j'ai juste écrit une lettre à la personne qui dirigeait cette radio associative en disant voilà, moi je veux faire ça avec deux potes. Voilà à quoi ça va ressembler. Ce qu'on imagine comme type de contenu. Et puis très rapidement, on nous a appelé. On a dit ok, on vous concède 3 mois et puis après on verra si on continue. Et on a fait ça 2 ans. Donc c'était assez facile, c'était assez simple. J'ai pas eu de difficultés. Et puis même après, pour aller dans des radios un peu plus grosses, évidemment, nationales, ça s'est aussi passé un peu bien passé en fait. Et alors du coup, on parle de votre première expérience radio. Moi, je voudrais savoir, la radio, votre premier contact avec la radio? Premier contact avec la radio, c'était quand j'avais 12 ans. Le premier contact, voilà, vraiment le premier souvenir que j'ai de radio fort, c'était quand j'avais 12 ans, j'ai été cloué au lit par une grippe. J'ai dû rester dans ma chambre à aliter pendant 3 jours. et j'ai pas pu me lever, et donc j'écoutais la radio. Et les premiers souvenirs qui m'ont donné vraiment envie de faire de la radio, c'était Arthur, voilà, l'animateur le plus con de la FM, qui m'avait un peu ouvert les chakras sur ça. Je me suis dit, mais moi c'est ça que j'ai envie de faire. J'avais envie de faire ça. Je me suis dit, ça a l'air super cool, super simple, et c'est loin d'être cool et c'est loin d'être simple comme métier, mais c'est ça, je pense que c'était le détonateur. Le grand souvenir, c'était voilà, me suis pris de passion en écoutant Arthur un moment ou une semaine où j'ai pas pu aller à l'école. Voilà, j'avais 12 ans. Et déjà, à ce moment-là, vous aviez envie de faire du Arthur, peut-être sur Boomerang ou ailleurs. On avait tous envie de faire du Arthur, on avait tous envie de faire je sais plus quels étaient les animateurs à l'époque, Bob le Cinglé ou autre, je sais plus, j'ai plus trop les noms, mais j'avais un père qui me tempérait, qui me disait, tu sais, les Arthur, on a qu'un. Et donc il faut, ils sont toujours comme ça les parents. Hein. Ils nous disent, tu sais, les Arthur, les Coé et autres, il y en a qu'un. Et donc c'est pas parce que tu veux faire ça que tu réussiras à le faire. Et bon, voilà. Donc mais à force de persévérance, on arrive au moins à toucher un petit peu de plus près ce métier-là. Et sur vos études, la radio, ça a joué au niveau de votre orientation? Oui. Oui, oui, très vite, parce que alors déjà il fallait faire un stage. Je sais pas si vous avez connu ça, les stages de sensibilisation en entreprise en troisième. Oui. Alors moi, on m'avait demandé ce que je voulais faire et je voulais faire un stage à la radio. Et alors à l'époque, j'avais une petite copine qui avait un cousin qui était le réalisateur de Maurice. Sur Skyrock, et le réalisateur s'appelait Guillaume Corr, que je n'ai jamais retrouvé. J'ai essayé de chercher son nom plusieurs fois. Alors s'il écoute cette émission, j'aimerais le resaluer. Et donc j'ai pu le suivre pendant 3-4 jours. Mon père m'avait accompagné à Paris pendant 3-4 jours. Donc c'était magique, et pendant donc 3 soirs, j'ai pu assister en direct à cette émission un peu folle, quoi, de Maurice Skyrock, 22h. C'était une ambiance particulière. Il embrassait sur la bouche toutes ses collaboratrices. C'était assez particulier. Alors on parlait de gens uniques, là, effectivement, Maurice. Maurice, il était, mais c'était un personnage. C'était un personnage. Et il avait, et très vite, lui, il a compris qu'il pouvait aussi faire de la radio sur internet et faire de la web radio, mais je crois qu'il l'a initié trop tôt. C'est dommage parce qu'il est parti de Skyrock, je pense 2 ou 3 ans trop tôt. Oui. Et alors du coup après ce premier stage, vous sortez de Skyrock? Ah oui, alors après ce stage-là, je suis sorti de Skyrock enchanté, j'ai fait mon rapport de stage, on est même pas 24 heures, c'était fabuleux, et tout de suite j'ai voulu faire une école de radio, un BTS, quelque chose qui ressemblait ou qui pouvait me rapprocher un peu de ce métier-là, et donc le studio École de France. Donc à l'époque il y avait deux écoles, je me souviens plus trop de l'autre école, mais en tout cas le studio École de France semblait être la plus crédible. Et donc j'ai tanné mes parents pour pouvoir faire cette école-là. Ça n'a pas été facile. Et puis un été, je crois que j'ai trouvé les mots pour dire à mes parents, bah, si, c'est ça que je veux faire, et je vais me donner les moyens pour réussir. Je dis pas qu'il faut absolument passer par une école de radio aujourd'hui pour faire de la radio, pour faire un métier qui s'approche de la radio. Ça aide, en tout cas ça ouvre des portes. Je pense que ce qui ouvre des portes surtout, c'est ces structures de radio locale. Ça, il faut absolument avoir une expérience dans les radios locales. C'est ce qu'on a fait donc avec des copains, avec Boomerang. Et puis après, il faut se donner les moyens et puis pas compter ses heures, quoi. Compter ses heures, parce qu'il faut se rendre, indispensable quand on commence, en tout cas. Il faut intégrer des petites équipes. Il faut proposer des petites choses. Et puis après, toujours plus. Il faut se rendre vraiment indispensable. Il faut pratiquer, parce que c'est pas simple de faire de la radio. On pense que ouvrir un micro, on va meubler pendant 5 minutes, 6 minutes, bah c'est pas simple. Il y a une technique. Et puis après, il faut aussi se cultiver. C'est très important. Il faut se cultiver. Voilà. Mmh. Donc vous arrivez au Studec, donc là on est en 97. Le Studec c'était 97, ouais. Mm-hmm. Donc à ce moment-là vous arrivez, je pense qu'il y a un choix de spécialisation à faire. Voilà, et moi j'ai pris réalisation parce que c'était cartésien, parce que je viens d'une famille où on est cartésien et que la réalisation c'est un savoir-faire. Voilà. Alors qu'animateur c'est du vent. On n'a pas de savoir-faire d'animation. On pense que, en tout cas c'est ce que je pensais à l'époque. Je me suis dit bon, si jamais ça merde pour moi, je me dis bah il y a au moins un petit savoir-faire de réalisateur, d'artiste. Entre guillemets, on a dans son inconscient collectif, on se dit que réalisateur, technicien, c'est des choses qu'on, c'est de la technique, c'est concret, c'est alors qu'animateur, c'est peut-être plus abstrait. Journaliste, je me voyais pas journaliste. Je pense que je me sentais pas capable de faire du journalisme, en tout cas comme je l'entends. Et donc j'ai pris ce qui me semblait être à la fois rentrer dans l'éditorial et puis avoir une part très concrète du métier. Et puis essayer de créer quelque chose. C'était important pour moi de créer quelque chose. Donc option réalisation. Et après tout a été très rapide pour moi. J'ai beaucoup de chance de rencontrer après des stages en radio puisque j'ai fait un stage dans le réseau Énergie. Donc grâce au studio École de France, j'ai pu intégrer le réseau Énergie. Donc Rire et Chanson. Puis Énergie, donc on travaillait le week-end, le dimanche, et puis après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais va voir Radio France Internationale, RFI, parce qu'il y a un gars là-bas qui monte un pool de réalisateurs, et cette personne c'est Renaud Amado. Je lui dois tout aujourd'hui en ce qui me concerne dans ce métier-là, et je suis allé le voir, il venait de créer son pool de réalisateurs, et je me suis présenté et il m'a dit banco. Et donc on était 4-5 à être sélectionnés en 97. Voilà, à la fin de l'année 97, j'ai pu commencer en tout cas sur RFI. Et c'était faire de la réalisation pour les services de langue à l'époque. On avait 17 rédactions de langue, donc il fallait réaliser 17. On avait le choix, donc on était à la. Moi, j'étais à la rédaction chinoise, à la rédaction russe, à la rédaction albanaise. Rédaction arabe, et il fallait réaliser les journaux. Alors quand on entend ça, on se dit mais je parle pas arabe, je parle pas chinois, je parle pas albanais. Mais c'était du nettoyage de bandes. Alors c'était sur bande, il fallait nettoyer les répétitions, enlever les répétitions des journalistes, faire quelque chose. Et en fait c'est assez facile. Quand une langue arabe répète une phrase, on sait exactement quand il faut reprendre. C'est à l'oreille, à l'écoute. C'est exactement à l'oreille, oui. Alors on va y revenir sur vos premières expériences professionnelles, Guillaume. Le temps d'une première pause musicale tout de suite avec un morceau que vous avez choisi, c'est Rufus Wainwright. Rufus Wainwright, oui. Alors, pourquoi Rufus Wainwright? Bah parce que j'aime bien la voix de ce bonhomme. Je trouve que c'est envoûtant. Alors, j'ai pas d'histoire particulière à raconter autour de cette chanson, mais j'ai des fois des périodes, des frénésies où j'écoute une chanson comme ça, je les sors jusque pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et après je passe à autre chose. Là, je sors de cette période Rufus Wainwright. Donc là, j'ai écouté beaucoup ce chanteur, cette chanson en particulier, Going to Home. Et puis je pense qu'il a participé à la BO du Moulin Rouge et tout ça. Et je crois que c'est là que j'ai rencontré, enfin que j'ai découvert cette voix que je trouve très jolie. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you. Making my own way home. body of Jesus Christ in blood. I'm so tired of America. I really need to know. I may just never see you again, or might as well. You took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. We're gonna be alone. I got a life to live, America. I got a life. Ça, c'est une belle finale. Voilà, c'était beau. Hein. C'était très beau. Rufus Wainwright avec Going to a Town, choisi par Guillaume de Rachinois de Moustique Studio dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Alors, juste avant le disque, nous étions donc à RFI. Oui. Donc vous aviez parlé de vos premières expériences voilà. Là-bas. Et alors, après RFI, il y a aussi Radio France. Alors, après, il y a Radio France. Il y a un passage à Radio France. Toutes les locales, en fait, France Bleu. Et après, c'était une période où je multipliais un peu les stations où je voulais tester d'autres formats. Donc, France Bleu, France Inter, BFM. Là où vraiment je m'épanouissais le plus, c'était quand même RFI parce que on me confiait la réalisation de magazines et de reportages. Donc c'était une chouette expérience. Mais au bout de huit ans comme ça, je pense qu'on en a. Moi j'en ai un petit peu eu marre et j'avais fait un peu le tour et il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'est la com. Je me suis dit tiens c'est intéressant. J'avais la chance encore une fois avec RFI de partir à l'étranger, en Afrique, faire des émissions au Bénin ou ailleurs. Et la com m'intéressait. Et un jour, je devais être un peu zélé, j'en sais rien, mais je suis allé voir le service de la com d'RFI en disant, moi, je voudrais faire de la com. Est-ce que je peux rentrer au service com? Je suis réalisateur au programme. Et la personne qui s'occupait de la com à l'époque m'a dit, mais bon, vous voyez tous ces gens-là, ils attendent une seule chose, c'est pouvoir rentrer à la com, au service com. Donc, et malheureusement, il faut des diplômes, il faut une formation. Et moi, j'avais dit, bah qu'à cela ne tienne, je vais reprendre mes études pour faire de la com, du marketing et autres. Et donc, j'ai commencé un master. Et après, je suis allé dans des agences de communication où ça a duré là encore 8 ans à faire des opérations de promo, de marketing, des pleins plus 2 euros, on a une serviette Tintin et etc. Donc ça c'était ma vie pendant 8 ans à faire des cartes de fidélité pour pouvoir toutes ces opérations qu'on voit un peu partout quoi. Et pendant ces 8 ans, vous aviez pas cette crainte de vous éloigner petit à petit de Non. Du micro. ou de la radio? Non, ça ne me manquait pas, j'avais pas de manque, sauf vers la fin, je me suis dit, c'était quand même sympa, la radio, c'était quand même sympa ces émissions, on voyait beaucoup de monde, moi j'aimais bien parce qu'à chaque émission c'était un sujet différent, donc on rentrait dans un sujet, c'était un invité différent, c'était un panorama qui était extrêmement enrichissant, culturellement, c'était super. C'est vrai que 8 ans dans la com, j'ai un peu tari tout ça, donc ça a été quand même très très bien, hein. J'ai appris beaucoup de choses humainement aussi, et puis en termes de communication, mais c'est vrai que le moment où Moustique est arrivé, Moustique Audio Agency, donc à l'époque ça s'appelait Moustique Audio Agency, avant de s'appeler Moustique Studio aujourd'hui, quand ils sont venus me demander si je voulais bien les rejoindre pour apporter justement cette patte com et cette part un peu marketing à ce qu'ils faisaient, j'ai dit oui. Et donc ça a commencé en 2015, donc l'époque Moustique Studio... En 2015. Alors Moustique Studio, justement, on va aborder le sujet. Donc, déjà dans un premier temps, je ne sais pas si vous serez le mieux placé pour en parler, mais pourquoi ce nom, Moustique ? Bah si, je vais vous en parler parce que vous l'avez reçu à ce micro-là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que on est dans une émission qui parle de radio. C'est un homme de radio qui a monté Moustique Audio Agency. C'est Éric Jean-Jean. C'est Éric Jean-Jean qui a monté en 2005 ou 2006 Moustique. Et à l'époque, il était un animateur radio qui passait très souvent à l'antenne et il faisait, comme beaucoup, aujourd'hui aussi encore, quelques ménages à côté. Et donc, il fallait une boîte pour facturer un peu tout ça. Donc, il a créé une boîte pour facturer ce qu'il faisait comme animation pour certains clients à côté. Animer des séminaires, des conventions, vous voyez ce que c'est. Et sa fille, c'était le surnom de sa fille, il appelait sa fille Moustique. Donc, sans réfléchir et très rapidement, il a créé sa boîte Moustique. Bah, vous m'apprenez quelque chose là. Voilà. Et puis en fait, je pense que ce qui devait rester une boîte comme ça, un peu confidentielle, a très vite évolué. Et il y a eu de plus en plus de clients et des clients qui souhaitaient des émissions de radio pour communiquer dans l'entreprise, des clients qui souhaitaient des reportages, des micro trottoirs, enfin donner la parole aux collaborateurs. Et du coup, ça a continué. Moustique a continué. Alors les clients, justement, donc c'est des grosses entreprises, il y a des grandes marques. Est-ce que c'est elles qui viennent vers vous le plus souvent ou dans le sens inverse, est-ce que c'est vous qui essayez de les démarcher, de les convaincre que l'audio, ça peut être un bon outil de communication? Alors on a beaucoup démarché pendant des années. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle du podcast, on a l'impression que c'est la ruée vers l'or et que c'est génial, que tout le monde fait du podcast et que ça cartonne. On parle du podcast de marque et on parle du podcast même dans les entreprises depuis 2-3 ans, quoi. Avant, on n'en parlait pas beaucoup. Elles étaient rares, les entreprises qui s'essayaient à faire de la radio comme communication en interne. C'était souvent des très grosses entreprises. Parce que ça coûtait cher. Maintenant, ça coûte moins cher de faire une émission, même en direct. Mais on prenait notre bâton de pèlerin. Et puis, même en 2015, quand je suis arrivé, on démarchait beaucoup. On expliquait qu'avec l'audio, on pouvait faire autre chose en travaillant et on pouvait écouter les infos de l'entreprise tout en faisant ses mails. Donc, c'était un avantage. Voilà. Et alors, une fois qu'on monte un projet avec un client, pour la mise en place, comment ça se déroule? Après, tout dépend le projet, hein. Si vous voulez. Oui, c'est ça, faut s'adapter à la cible, je pense aussi. Il faut d'abord savoir à qui on va s'adresser dans l'entreprise. Est-ce que c'est à toute l'entreprise? Est-ce que c'est une partie de l'entreprise? Est-ce que c'est des grands managers? Est-ce que c'est tous les collaborateurs? Donc, ça change beaucoup dans le format, ça change beaucoup la longueur de l'émission, ça change la tonalité de ce qu'on va raconter dans l'émission. Si on parle à des top managers, à une centaine de personnes dans l'entreprise, on peut faire une émission beaucoup plus longue parce que ce sont des gens qui vont être très très très captifs parce que le message sera destinée à eux uniquement, mais si on s'adresse à tous les collaborateurs pour donner des informations de l'entreprise, on est sur des formats beaucoup plus resserrés quand même. Et alors, outre les entreprises, il y a aussi des événements sur lesquels vous lancez des web radios spéciales. Alors, pour citer quelques exemples, on a eu le festival Sérimania de Lille. Oui. Alors, il y a eu Radio Lumière qui était pour le festival des Lumières de Lille et qui était relayé en FM sur Lyon Première, ça je m'en souviens. Alors voilà, ça c'était. Il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je n'ai pas fondé Moustique. C'est une équipe donc qui était avant moi et Yves Bongarçon qui nous a quitté il y a un peu plus d'un an. A fondé la web radio du Festival de cinéma Lumière à Lyon. Et donc, c'est une web radio qui, pendant 10 jours, on fabrique 5 émissions par jour. Et puis, pour le Festival de Cannes, c'est 10 émissions par jour pendant 15 jours. Le Festival Sérimania, c'était 2 émissions par jour. On a fait aussi des événements plus resserrés, sur des durées beaucoup plus courtes, comme Pigalle fait, la fête de Pigalle, en fait, c'était il y a quelques années. On fait aussi tous les podcasts et la web radio du festival, du Paris Podcast Festival depuis sa création. Donc c'est des problématiques différentes. Mais ce qui est intéressant quand on fait ces radios-là, c'est qu'on part from scratch, quoi. On a rien. C'est une feuille blanche. On se dit quel type d'émission on va créer, pour quel type de cible. Est-ce qu'il nous faut une émission business? S'il nous faut une émission business, quel animateur on va aller chercher? Et nous, chez Moustique Studio, on a à cœur d'aller chercher des vrais pros de la radio. Parce que on croit qu'il faut une expertise. On a quand on met en face d'un grand réalisateur de film un animateur qui va lui poser des questions, il faut être aussi respectueux du réalisateur qui nous accorde du temps. Donc il faut mettre en face quelqu'un qui a une vraie expertise, qui a du métier. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas quand on écoute des podcasts de cinéma ou des podcasts de que ce soit dans tous les sujets, quoi. Et alors pour constituer du coup l'équipe, rechercher les animateurs, comme vous le disiez, dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce que les contacts, ça joue, ou est-ce que il y a un profil, vous l'écoutez à la radio, vous dites tiens, celui-là il serait intéressant? Les deux, hein. On peut tomber sur une voix à la radio qui nous accroche, qui nous alerte. On a aussi beaucoup de réseaux, c'est-à-dire que tous les gens qui composent l'agence sont issus de radio. Moi, mais le réalisateur, les chefs de projet, même la responsable commerciale a passé 8 ans sur cette même antenne, hein, Fréquence Protestante. On la salue. Donc voilà, on est des gens de radio, donc on est naturellement poussé vers ce milieu-là, mais on regarde aussi ce qui se passe du côté des podcasteurs. Parce qu'on est très attentif aussi à ce qui se fait du côté du podcast natif. Alors le podcast, on va en parler justement plus en détail dans quelques instants, mais juste avant, deuxième pause musicale, Guillaume, cette fois-ci ce sera du Kanye West que vous allez nous faire écouter. Oui, parce que Kanye West, pour moi, il est représentatif de notre époque, c'est-à-dire, on va parler de la créativité certainement, mais ces gens qui sont créatifs et qui ont une personnalité parfois sulfureuse, ben voilà, c'est ça, c'est ce mélange des genres qui est intéressant. C'est là, tout de suite. I'm the teens, I told her, ultra beam out the soda. Oh, these niggas dumb dumb, and they claim me for the culture. Trying to keep my composure when I scream at the chauffeur. I ain't mean, I'm just focused. I ain't mean, bitch, I'm focused. Playing king like it's poker, but you ain't dealing with the joker. Global warming getting closer. Thank God I'm bipolar. Whole life on a floater. Don't need rings or the trophies. Less is ringing from the toasters. Have a drink for the colders. Pull the lean out slower. Got us clean out of soda. Before the flood niggas judge, they did the same thing to Noah. Everybody need Yandy. My cousin's mad at my auntie. You bought a crib out the country. Try to miss a BC Gallant me. Yeah, this the one and only. You can't tell a unicorn from a pony. Live freedom, this is freedom. Fuck your feelings, you can keep them. Show your grill when you greet them. My nigga near when you meet them. Know God when you see him. Love God, you gon' need him. Don't you love God, won't you hug God? This is God in the flesh. Come and touch God, give a blowjob. Kanye gave up the West. Kanye the Yeezy. maybe just yay. Yeah, yeah. Fuck a slave name, fuck a slave name, fuck a slave name. Got the whole game for 400 years, the prophecy 2019. Them niggas is woke, them niggas is woke, them niggas ain't woke like me. Hop off the boat like me, y'all ain't smoke like me. Y'all supposed to be mad at them, y'all ain't supposed to fight me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Number one style, you chicken on me. Niggas get you, you thinking they me. You could be you, but you'll never be me. You'll never be me. The universe is on our side. West avec Cella. Alors en plus, il était de passage à Paris pour le jouer, ce morceau. Et Ouais, ouais, mais il est fou, ce mec. Hein. C'est un vrai fou de création. Il a un talent. Il a un talent de dingue. Et en même temps, il a une face B de tout. C'est créatif comme ça, une face B un peu sulfureuse. Il est bipolaire, je crois, à savoir aussi. Enfin, voilà, c'est des personnalités qui, je pense, qui sont bien représentatives de notre époque où, voilà, on a une créativité folle, mais il y a une face B comme dans tous les grands artistes, quoi. Kanye West, un sacré personnage, hein, évidemment. En tout cas, nous, dans la mécanique des ondes, nous sommes avec un personnage, je ne sais pas si on peut dire ça, une personnalité lisse, très active. Beaucoup plus lisse que Kanye West. Mais qui a croisé quand même des personnages comme Maurice. Oui, ça, oui, ce oui, n'est pas oui, rien. Oui. En tout cas, c'est une personnalité de Moustique Studio que nous avons dans la mécanique des ondes, qui fait des radios donc de marque, d'entreprise, mais oui, aussi des podcasts. Mmh. Et c'est justement de ça qui va être question maintenant. Alors, on parlait de création, là on est raccord. Là, il y a une création toute récente que vous avez sortie récemment, qui s'appelle l'affaire des 450 tableaux. Mais alors, juste avant d'en parler, je propose qu'on écoute la première minute de ce podcast. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. La France s'est ressaisie. Je m'appelle Leslie Benzaken. Je suis journaliste et il y a 3 ans, au fil de mes enquêtes, j'ai rencontré Francine. Elle a accepté que je la suive dans un moment unique de sa vie, puis que je partage avec vous son histoire. Vous allez découvrir une saga haletante, historique et terriblement contemporaine, car en toile de fond, il y a une lutte acharnée pour le devoir de mémoire. Bienvenue dans l'affaire des 450 tableaux. Voilà en gros le pitch de ce podcast de Moustique Studio, donc sorti tout récemment. Moi, je voulais savoir, j'ai écouté déjà les premiers épisodes, mm-hmm, combien de temps ça prend à préparer ? C'est très long. C'est très long. En fait, alors l'idée d'abord nous a été, c'est Leslie Benzaken, donc cette journaliste qui avait déjà travaillé sur le sujet il y a 3 ans, sur cette dame de 70 ans qui apprend qu'elle est l'héritière de 450 tableaux. On va apprendre plus tard d'où viennent ces tableaux et comment se fait-il qu'elle ne soit pas en possession de ces tableaux, ou alors sa famille ne possède pas ces tableaux. Et en fait, en préparation, nous on a travaillé tous les jours depuis le début décembre. Depuis début décembre, et c'est sorti fin, le premier épisode est sorti fin janvier, je crois. C'était pour le salon de la radio. Oui, c'est ça, il était présenté là-bas, oui. Voilà, en exclusivité, on avait présenté le premier épisode fin janvier. On s'est déplacé à Berlin. Il y a eu des déplacements. C'est beaucoup, beaucoup de recherches, d'archives. Il y a des voix, il y a des narrateurs qui sont venus poser leur voix sur des documents d'archives. Tout ça, c'est long. Mais c'est le processus normal de la création. Oui. En fait, on a cette journaliste qui a travaillé avec notre réalisateur Joseph Caraballona, et donc pour faire une, c'est vrai que pour faire une émission comme ça sur une antenne comme France Inter, d'abord il serait pas deux, hein, il serait 10. Parce que il y aurait un documentaliste, il y aurait un illustrateur, il y aurait un réalisateur, un assistant réalisateur, il y aurait un auteur, il y aurait la journaliste, enfin il y aurait plein de monde. Là, ils étaient que deux, donc ça a pris plus de temps, mais en tout cas, on estime que si on veut faire du podcast natif de qualité, on est obligé de passer par là. Et pour l'affaire des 450 tableaux, du coup, c'est Joseph Caraballona, je vais y arriver, qui vous a suggéré ce projet, qui est venu vous voir. C'est Leslie qui est venue nous voir, et Joseph, en fait, est chez nous, en fait, c'est notre DA de, c'est notre directeur artistique, à l'agence. C'est un ancien des RFI, je l'ai connu là-bas, d'ailleurs. C'est un ancien d'Affaires Sensibles, il a participé, à la création de l'émission Affaires Sensibles sur France Inter. Donc, on a besoin de sa patte et on aime ce qu'il fait et c'est pour ça que c'est sur ces créations qu'on a envie de multiplier nos projets en tout cas. En tout cas, l'affaire des 450 tableaux est à retrouver donc sur toutes les plateformes, oui. Deezer, Spotify, Apple, vous tapez l'affaire sur Acast aussi. Ouais, sur Acast, l'affaire des 450 tableaux. Avec 5 épisodes au total à savourer avec les oreilles. Et alors, juste avant de passer aux questions, alors on parlait de création. Alors moi qui écoute beaucoup la radio traditionnelle entre guillemets, alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui on y trouve de moins en moins de création, justement à part peut-être sur France Culture, où il y a de la fiction, il y a On de la Traconte aussi sur Europe 1. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a encore de la place en 2020 pour de la création sonore à la radio ? Bah, il faut l'espérer, parce que sinon, ils vont vraiment se confronter à un problème de génération qui arrive. Et si on n'arrive pas à accrocher une génération qui est en quête de créativité, qui est en quête de changement, ça va être compliqué pour eux. Je parlais de Kanye West tout à l'heure, mais c'était une boutade. Mais c'est vrai que cette créativité-là, on la sent dans les podcasts. Aujourd'hui, on est en train d'assister à la même métamorphose de l'émission de radio que à l'époque où on avait des séries télé comme Magnum, Dallas, Melrose Place ou Beverly Hills. Et quand est arrivé 24 heures, on s'est pris une claque monumentale. Mais il y a un paradoxe aussi, puisque on parle du podcast où la création se développe de plus en plus, mais il y a les radios se mettent au podcast natif avec ce genre de format. Oui, parce qu'ils essayent, ils tentent des choses. Il faut aussi bien comprendre que le podcast natif n'a pas encore trouvé son économie. On n'est pas encore sûr que ça va exploser comme ça l'est aux États-Unis ou en Allemagne ou autre. Hein. On n'est pas du tout dans le même mode de consommation. Ils testent des choses. Je trouve dommage que on soit obligé d'aller sur des podcasts natifs pour avoir des narrations, de la fiction. À l'époque, sur Europe 1, en 88 ou 89, Serge Sauvion, la voix de Columbo, racontait déjà des histoires avec une sorte de mise en scène et une intrigue comme Christophe Ondelat. On n'a rien inventé, mais on a tout arrêté. Guillaume de Rachinois, oui. J'ai eu un petit bug, ça arrive, c'est direct. Guillaume de Rachinois de Moustique Studio donc est dans la mécanique des ondes, donc j'espère que ça vous aura donné envie d'aller découvrir un petit peu leur création et puis leur podcast. Tiens, juste avant, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir chez Moustique Studio ? Oui, on a d'autres projets dans les cartons, on est en train de réfléchir à des projets qui soient soit très sur l'actualité, pas des podcasts d'actualité, mais qui rebondissent ou qui font écho à une certaine actualité auprès des femmes ou autres. On est en train de réfléchir aussi à des programmes où ça serait un peu plus sympa, plus positif aussi à écouter. Et voilà. En tout cas, rien n'est encore lancé officiellement. Ouais, c'est encore des projets. C'est encore des projets, oui. À suivre donc. En tout cas, nous, on poursuit avec une partie questionnaire. On commence avec la question capsule posée par l'invité de la précédente émission, Antoine Baduel, le patron de Radio FG, un directeur qui pose une question à un autre directeur. On écoute. Bonjour, c'est Antoine Baduel de Radio FG. Je voulais savoir quel modèle économique tu voyais pour les podcasts et pour leur avenir. Ah bah c'est je vois des modèles économiques se dessiner. Le modèle économique le plus fort, le plus rentable, ça reste quand même une marque qui achète un podcast natif à un studio. Je ne crois pas au fait que la publicité aujourd'hui en pré-roll, en mid-roll et en post-roll puisse couvrir les frais d'un podcast. Alors après, maintenant, il faut s'entendre sur le type de production d'un podcast. Si c'est juste un talk avec trois potes et on enregistre pendant une heure et puis on garde que les 20 meilleures minutes, ah ça, c'est sûr qu'en termes de production, on a moins d'enjeux en termes financiers. Si on parle de l'affaire des 450 tableaux, l'affaire des 450 tableaux, c'est à peu près 15 000 euros de budget mis sur la table. Donc, c'est si je comptais sur la publicité pour pouvoir financer ça, je me tenterais un peu. Oui, c'est compliqué. Ouais. On va terminer les dernières minutes de l'émission avec un questionnaire rapide. Allez-y, je vais essayer d'être rapide. Allez, c'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Maurice. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Quelle radio? Fun Radio, puisque c'est celle qui a déclenché un peu les choses. Quelle radio vous réveille le matin? France Inter. Quelle radio vous endort le soir? Aucune. Un podcast, peut-être? Non, même pas de podcast, même pas. Non. Le soir, je suis en famille et là, je viens d'avoir une petite en plus, une petite fille, et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est compliqué. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? En voiture en voiture et dans la salle de bain. Un endroit où vous n'écoutez jamais? Au bureau. Votre meilleur souvenir de radio ou au sein de Moustique? Oh, le meilleur souvenir de radio, c'est quand j'ai fait ma première réalisation de reportage sur RFI. J'étais fier comme un pape et j'avais dit à mes parents écoutez, ils n'ont pas écouté. Voilà. Mais c'était un très bon souvenir. Le pire souvenir? Le pire souvenir, c'est surtout un cauchemar en fait, parce que je rêvais toujours de la même chose. J'avais peur d'avoir oublié de porter la bande au suivi d'antenne pour pouvoir la diffuser, cette émission. Et donc ça, c'est des angoisses. Je me réveillais la nuit comme ça, en disant j'ai oublié de porter la bande. Et en fait non, j'ai pas oublié, mais c'est très très bizarre. Et enfin, pour terminer, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Je l'ai donné tout à l'heure au tout début, c'est essayez tout ce qui vous est offert. Aujourd'hui, vous avez du podcast, vous pouvez faire un podcast dans votre cuisine si vous voulez, et puis surtout aller voir les radios locales, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci Guillaume de Rachinois d'être venu dans la mécanique des Merci ondes. Merci à vous de votre invitation. Et pour suivre l'actualité de Moustique, les podcasts également, c'est sur moustiquetheaudioagency.com et puis sur les réseaux sociaux. On vous mettra les liens de toute façon sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous le mois prochain sur Fréquence Protestante, même heure, même endroit. Et puis tous les podcasts sont à retrouver sur la mécanique des ondes.com. Oui, le site est revenu.